parti, jeudi 14 juillet, aujourd'hui à 9h01. Je suis ravi de vous retrouver ce matin. Évidemment, avant midi, on fera tourner la roulette ensemble. N'hésitez pas, dès 10h pour vous inscrire jusqu'à 11h en envoyant roulette au 72020. Tout à l'heure aussi, deux sons de Rihanna. Écoutez, il y a des places pour aller voir Rihanna du côté de Lyon. Je vous en parlerai tranquillement. Bonne matinée, bienvenue à vous tous. J'espère que c'est un jour férié pour vous. Tiens, dites-nous, envoyez un petit message aussi avec le hashtag Skyrock. Rap, R&B non-stop. On est parti avec Ken Jones et Don't Mind.